Parfois les silences parlent bien plus que les mots. Mais dis pas je t'aime trop, non ce sera jamais trop. Je prends l'avion pour te rejoindre, quand c'est pas toi qui le prends. On s'en sort à distance, même si tu manques tout le temps. Les mois passent et je vois aucune différence. Personne ne me ressemble comme toi. Tous les deux, c'est la délivrance. Un nouveau monde s'offre à nous. Destin lié, ensemble on s'en vivant. Plus rien peut m'arriver quand t'es à mes côtés. Sortir le soir tous les deux en s'enivrant. Rentrer passer le reste de la nuit à s'écouter. L'alchimie de nos corps déshabillés. Et le lendemain tu me piques mes vêtements. Non, je connais plus la tristesse. Quand tu transformes toutes les voitures en sound système. J'ai l'esprit libre mais mon cœur est à toi. Entre tes mains, entre tes mains. J'ai l'esprit libre, mais mon cœur est à toi. Entre tes mains, bébé, entre tes mains. Plus rien n'est vraiment pareil depuis le début de l'année. Premier je t'aime déposé sur ton lit, sur un bout de papier. J'ai jamais été aussi libre qu'en étant avec toi. Loin de Paris, les étoiles, la routine nous échappe. Une vie c'est pas assez, non il m'en faudrait trois. Une entière dans tes bras, une en famille. Et la dernière aventurière à grimper sur les toits. On danse collé mais pas sur tes pas. Un nouveau monde s'offre à nous. Partage-moi tes doutes les plus profonds. J'serai là pour les bons tout comme les mauvais moments. Bien sûr qu'on est libre de vivre toutes nos émotions. Complicité sans faille, imagine avec le temps. Tellement de choses impossibles à expliquer. Et le lendemain je te revois avec mes vêtements. Non, je connais plus la tristesse. Quand tu transformes toute la semaine en un week-end.